Voici le plan pour aujourd'hui. François Landry vient nous parler de politique. Sébastien Dulude nous parle de sorties culturelles alternatives. Et dans la chronique CNX, on fait le tour du net. Assemblage requis, ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, l'émission du retour avec Kiwan et Mathieu, ensemble jusqu'à 17h. Et aujourd'hui, on a quelques chroniqueurs qui vont être avec nous. François Landry va venir parler de politique. Oui, aujourd'hui, François va parler particulièrement de la déchéance de l'ADQ, parce qu'on sait que ça va moyen. Ils sont en course à la chefferie, puis là, tout le monde abandonne un après l'autre. Donc, on en parle avec François, c'est aux alentours de 4h15 environ. Dans ces coins-là, on va aussi recevoir Sébastien Dulude, qui va nous conseiller quelques sorties culturelles alternatives. Oui, et aussi, toi, tu nous fais une chronique CNX. Aujourd'hui, de quoi vas-tu parler? On va faire le tour du net de ce qui s'est passé d'important et de disons, grandiose sur la toile qu'on appelle le web. Grandiose. Tu mets des attentes, là. Oui, je mets des adjectifs et des attentes. C'est ce que je fais. Je mets la barre beaucoup trop haute pour ensuite pas faire la job comme il faut. C'est ça, la marche à suivre. C'est un peu ça. Et on va commencer en musique tout de suite avec Mille Monarques. Voici Rouge. C'est la pièce de l'Alpamarès. C'est un assemblage requis. Au 89 FM, c'est fou! La radio qui essaie de pas mettre de bord comme ça, ben t'es sûr de pas te planter. Oui, I'm not afraid to die. Patrick Watson et la pièce Beijing. Patrick Watson vont être en spectacle à Shawinigan demain soir. Hein, c'est à la salle Philippe Filion du centre culturel de Shawinigan. C'est la dernière date pas mal pour leur tournée, ben, genre de tournée québécoise. Là, leur dernière date au Québec, en tout cas pour un bon bout, parce qu'après ça, ils s'en vont à partir de la mi-octobre. Ils vont passer comme à peu près 2 mois à travers le monde. Beaucoup de spectacles aux États-Unis, beaucoup en Europe aussi, en France et en Allemagne. Donc, ça tourne beaucoup pour Pat Watt. Ça fonctionne et c'est tellement bon qu'on est content pour lui. Ouais. Tout assemblage requis jusqu'à 17h avec Kiwan et Mathieu. Plus tard, il va y avoir la chronique technologique CNX. On va parler de choses qui sont passées cette semaine sur Internet. On va aussi avoir Sébastien Dulude et François Landry. Mm-hmm. Grosse émission. Comme d'habitude. Comme toujours. Tout de suite, ce qu'on s'en va faire, c'est entendre une demande spéciale de la part de Nicolas. Nicolas. Nicolas, qui voulait entendre un petit peu de Dropkick Murphys, de leur album The Warrior's Code. Voici I'm Shipping Up. Sébastien. Assemblage requis. C'est fou, 89.1 FM. tes chums savent pas ce qui t'arrive quand ils te voient manger des mâles. Tes chums savent pas ce qu'il te fallait quand ils voient la dent de mal. T'as fait d'aller te faire violer, mais c'est une grenade de matin. T'as fait jamais t'es capable, tu m'accorderas un bain. T'as perdu le sens de la vie normale. Depuis que tu te lâches en salle, tu joues à suivre tes yeux, une seule fois de la fan. En sifflant dans la salle, ton pot de démétane. T'as perdu le sens de la vie normale. Depuis que tu te lâches en salle, t'es pas normal, t'es pas normal. Tu t'en fais parce que t'as pas à t'en faire. Les voix dans ta tête que tu veux pas faire taire sont les gosses effets de tes petites misères. T'es pas normal, t'es pas normal. Tu t'en fais parce que t'as pas. Vous écoutez Assemblage Requis jusqu'à 17h. Capitaine, hey!

chill. OK, donc c'est tout pour CNX aujourd'hui. Il y a une autre chronique demain vers les 15h20, toujours dans Sondage Requis. Et les chroniques de la semaine sont compressées en un seul et même fichier. Oui, qui est diffusé les lundis matin à 10h. Ça s'appelle CNX.zip et c'est animé par Mathieu Plante. Chillio. Chillio. Bon. Chillio. OK, on retourne en musique. Plus tard dans l'assemblage requis, il va y avoir Sébastien Dulude avec ses sorties culturelles alternatives et François Landry en politique, donc restez là pour ça. Mais avant ça, on va l'écouter de Dragonette avec I Get Around. Assemblage requis au 89.1 FM. Dans vos oreilles. Tiens pas chics, on se poule, ça roule. Les secousses sismiques, la foule est en liesse. Devant si belle pièce, demain à l'école, tu seras la plus adulée des petites puces. Les faux filets, tellement une bonne pièce du palmarès francophone de C'est fou. Ouais, c'est la comme quatrième pièce, je pense, de Ariel qui est dans le palmarès. Puis moi, je trouve que c'est la meilleure, c'est ma préférée en tout cas. Mais moi, tu vois, les autres, je les adore vraiment beaucoup. Puis celle-là commence vraiment à me rentrer en tête, puis je commence à vraiment l'adorer. Là, on a eu chargé aussi les sorcières et la danse des pans. Donc, mais facile à absorber cette pièce-là. Hein? C'est un groupe qui ne produit que des hits jusqu'à maintenant. Ouais, le refrain super accrocheur, le super comme ça, Vous êtes à l'Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées jusqu'à 17h avec Kiwan et Mathieu. Deux chroniqueurs s'en viennent plus tard. On va voir vers la fin de l'émission Sébastien Dulude et ses sorties culturelles alternatives. Mais avant ça... Avant ça, en fait, avant Sébastien, il va y avoir François Landry, c'est ça que tu veux... Oui, c'était ce que tu veux parler. Oui, c'est ça. François Landry qui va être là pour parler de la déchéance de la DQ. Oui, en effet. Mais tout de suite, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller écouter Vanesse Pariéter. Ah! Le groupe qui fait tout l'enrobage musical de notre émission. Tout ce que vous entendez qui n'est pas de la musique de pièce, là, à part celle-là qui va jouer, en fait, parce que celle-là l'est. Mais sinon, tout le sonore, c'est du Vanesse Pariéter. Et Vanesse Pariéter vont venir nous rendre visite bientôt, mais c'est comme un peu un genre de surprise qu'on veut faire. Ça va être gros. On va faire quelque chose de spécial avec Vanesse. On va leur réserver une grosse tranche de temps, c'est tout ce qu'on peut dire. On ne dit pas ce que ça va être exactement, mais bon, une petite émission spéciale avec Vanesse Pariéter, c'est bientôt, c'est dans les prochaines semaines. On va vous tenir au courant d'ici là, on va vous le dire à tous les jours. Et en attendant, on va aller écouter la pièce. Qui figure en palmarès? On se complète les phrases. Hein. Voici le filet et l'abîme. Vous allez la reconnaître. C'est évident parce que regarde ça, là. D'habitude, tu te dirais, vous écoutez Kiwan et Mathieu, Assemblage Requis, blablabla. Mais là, ça dit plein d'autres choses. Plein d'autres choses. Le filet et l'abîme de Vanesse Pariéter. C'est fou dans vos oreilles. Plus de distinction entre le filet. essayé une couple d'années sans compte Terrebonne. Dans ce soleil, il y avait juste du hip-hop anglophone. Tout le monde écoutait Bon Jovi pis Dépêche Mode. Tout le monde disait partout que le hip-hop c'était juste une mode. Si, bon, pour moi. Si, bon, pour toi. Si, bon, pour moi. Si, bon, pour moi. J'fais ça ma façon. J'fais ça frais. C'est pas dans maison. C'est à distance comme combinaison. Back in the days, t'as tant d'avantages. Back in the days, avec mon ghetto blaster. Ben avant l'avenue de Rapaudi. J'rappe ces instrus de cool maudit. Ça met pas de but, mais c'est cool à maudit. J'rappe en anglais, mais c'est pas par choix. Le seul en québécois que j'ai, c'est quoi? C'est rappelle-moi donc. Rappelle-moi donc, c'est quoi? Move the break comme dans Robocop. Sur le dos, sur le ventre, up and down, flip flop. Back in the days, j'ai pas peur d'avoir peur. Back in the days, j'ai tenté et pas peur. Back in the days, des BMD, Grandmaster Flash. Plus d'après-midi, j'ai le sandage. J'fais du style gratuit dans la langue de Jean Arrache. Back in the days, j'ai connu ses vainqueurs. Back in the days, j'suis mon ghetto blaster. Gatineau back in the days! Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu Gatineau, là. Oui, hein? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles non plus de Gatineau. C'est ça, tu te souviens, j'avais parlé, je pense que c'est au Palmarès. En tout cas, j'ai un article sur le assemblagerequis.com concernant leur nouveau projet underground camouflard, en fait, qui est un nom d'emprunt pour faire des spectacles underground comme ça. Il n'y a pas vraiment eu de spectacle d'annoncé, mais là, ils ont publié un article sur le blog de Bande à part qui donne des nouvelles un peu de ce qui se passe bon à Gatineau. Ils préparent leur prochain album qui n'a pas encore de nom, mais qui va sortir au printemps 2010, donc c'est dans moins d'un an. C'est ça le. En fait, c'est pas mal dans 6 mois. Moi, c'est quand même bientôt. Un an, c'est comme l'automne prochain, mais ouais. 6 mois, c'est moins qu'un an quand même. En effet. Sortir la semaine prochaine, ce serait moins qu'un an à la limite. Ouais. Aussi, Dom Amel a l'air de faire partie du groupe parce qu'il est vraiment mentionné nulle part. Je vais m'aller sur le site officiel de Gatineau. Dom Amel qui est maintenant avec son groupe à lui, son projet Orange Orange. Donc, plus l'air de faire partie de Gatineau. C'est ça, l'album va être un petit peu plus électro. Donc, déjà qui est le style était dur à définir, celui de Gatineau entre hip-hop, électro, pop, on savait pas trop. Là, on s'en va plus vers l'électro. Donc, genre d'entendre ça, pas encore, ils sont vraiment pas au stade encore de faire paraître là, des extraits de cet album-là, mais on continue à suivre ça. Pour vous. Pour avec vous. Vous. Comme Mario Dumont. Premier sur la nouvelle. C'est vraiment au on-top. On-top. Vous êtes Assemblage Requis jusqu'à 17h, c'est l'émission du retour. On continue ça avec tout plein de bonne musique jusqu'à 17h, mais aussi des chroniques. Donc, soyez là pour Sébastien Dulude et François Landry plus tard. Avant ça, voici Metric. Oui, avec un extrait d'un vieil album qui date de 2003, je pense. C'est la pièce Dead Disco. Moi, je continue à compter les dodos avant d'aller les voir en spectacle. C'est tellement cute quand tu dis ça de même, ça fait vraiment. T'as des fantasmes dans le fond, ça. Orange Orange et Montréal à moi. À moi, à toi, à nous. À nous. À nous. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. Il y en a une deuxième qui s'en vient avec Sébastien Dulude vers la fin de l'émission avec ses sorties culturelles alternatives. Oui, mais presque tout de suite après la pause, François oui. Landry est avec nous. Pour parler de politique et la déchéance de l'ADQ, restez avec nous, c'est Assemblage Requis. Bonjour, c'est toujours à Assemblage Requis avec Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. Et je viens d'entendre pour la première fois la nouvelle pub de la conduite de parti. Il fallait que je le mentionne, c'est tellement drôle, j'aime ça. Oui, c'est une très bonne émission en plus. Tantôt, là, on n'a pas eu le temps de le dire parce que je sais pas pourquoi au juste, mais on a passé une pièce. C'était la pièce que Nicolas Ducharme voulait justement qu'on fasse passer. Parce qu'il n'y a pas d'autre joueur de l'anglo. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de musique anglophone. Il voulait passer cette pièce-là. Puis en même temps, ben, on voulait souligner son émission. C'est les mardis matins à 9h. Il fait tellement du beau travail avec son équipe qui s'acharne comme des travailleurs autonomes du sport, presque. En tout cas, ils font du bon travail. Ouais, c'est intéressant même pour quelqu'un qui ne trippe pas particulièrement. Jaillit les sports. Mais c'est fun parce qu'ils sont passionnés, puis ça paraît, puis c'est bon. Je l'écoute pareil, parce que je trouve ça intéressant de les entendre parler de ça. Bref, vous êtes à l'Assemblage Requis. Dans quelques minutes à peine, François Landry va être avec nous pour parler de politique et de la déchéance de l'ADQ. Mais avant ça, on s'en va entendre un groupe qui va être en entrevue lundi prochain au Dîner de cons sur l'heure du midi. Oui, ils ont gagné la finale des mardis de la relève l'année dernière ou l'autre année d'avant, récemment en tout cas. Et puis, c'est leur premier, ils vont lancer leur premier album complet. Dans le garage. Ça va sortir, je pense, la semaine prochaine. Et puis, ils vont être avec les gars du Dîner de con pour en parler. C'est le groupe Les Mal Léchés. Et on va écouter la pièce Working Class. Vous êtes assez fou, 89.1 FM. Ouais. J'ai pris de l'argent, pas des armes pour en avoir, faut du bruit de cul. J'ai lâché l'école de bonheur, travaillé dans une shop à pas cher de l'heure. Moi, je range pour la paix du jeudi, c'est comme ça qu'est ma vie. Je suis un working class, je joue du coup pour faire ma place. Je suis un working class, l'argent est là, mais faut que le job se fasse. Je me lève tous les matins, puis je vais à la job pour gagner mon pain. Je suis un working class, je joue du coup pour faire ma place. Je ne paye pas pire, mais rien qu'une job, c'est pas assez. Les billes, ça paye, c'est pas pire, mais ça en prend plus pour se gâter. Ah, je commence mon chiffre le soir, même si ma blonde le voudrait voir. Je vais avoir deux payes jeudi, ça va être la fête, je vous le dis. Je suis un working class, je joue du coup pour faire ma place. Je suis un working class, ça gêne d'homme, mais faut que la job se fasse. Je me lève tous les matins, puis je vais à un job pour gagner mon pain. Je suis un working class, je joue du coup pour faire ma place. j'suis à la base de toute l'économie. Mon huile de bras, vous en avez besoin, j'vous le dis. La mienne est celle de gars qui n'ont pas peur d'ouvrage, qui travaille dans une cuisine ou dans un garage, qui roche pour la paix du jeudi, c'est comme ça qu'est notre vie. On est des working class, on joue du coup pour pas notre place. On est des working class, l'argent est là, mais faut que le job se fasse. On se lève tous les matins, puis on va à job pour gagner notre pain. On est des working class, on joue du coup pour pas notre place. On est des working class, on joue du coup pour pas notre place. C'est mal léché. Working class. Working class. Excellent. Puis pendant qu'elle jouait, on avait la réflexion que c'est probablement les derniers gagnants du Mardi de la Relève, puisque le prix, c'était justement de faire un album complet. Donc voilà ça le résultat. Cool, hein? Voilà. Les Maléchers, leur album s'appelle Dans le garage et je rappelle qu'ils vont être en entrevue à l'émission de Danny Janvier et André Baudet. Lundi prochain. C'est le dîner de con. It's the crazy... lunch. Donc, vous êtes à Assemblage Requis jusqu'à 17h. J'ai essayé au moins. François Landry est en studio avec nous comme tous les lundis et mercredis pour parler de Politica. Ah, ben... De Politica. Voilà. Voilà, hey. Voilà. Salut, on est en François. Londres. Oui. Bonjour, monsieur. La chronique aujourd'hui a peut-être pu choquer du monde en disant la déchéance de l'ADQ. Oui, c'est assez violent comme terme. Oui, c'est assez violent, hein? Mais c'est le nom approprié parce que dans le dictionnaire de la langue française, déchéance vient de déchoir, qui est de tomber d'un état inférieur. Donc, on est dans un état stable et on tombe. Et tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça va prouver à quel point l'ADQ tombe. Non seulement dans les sondages, mais dans la vie, dans le fond. Dans la tombe, vie politique. Tombe des nus. Tombe des nus. Voilà, bon. J'aime ça de même. J'aime ça. Une chronique 3X ici avec l'ADQ. Donc, on se souvient que présentement, l'ADQ est en course pour se trouver un nouveau chef. Il y avait 4 candidats à l'origine. Il n'en reste plus que 3. Et encore là, 3, on s'entend qu'il y en a 1,5 sur les rails. Oui. Je parle aussi d'Éric Kerr, qui est le seul en bonne forme physique et en position de remporter. Gilles Taillon, atteint d'un cancer, malheureusement, c'est de valeur pour lui, mais il a continué la course pareil. Christian Lévesque, qui est le petit dernier qu'on n'entend plus du tout parler. Et Jean-François Plante, qui était un excentrique, fait, ouais, si on en prend un. C'est fait, en fait... pratiquement sacré dehors de son propre parti. Officiellement, il a contrevenu à des lois, mais officieusement, l'ADQ ne voulait rien savoir de cet extrémiste misogyne tendance nazie. Ah ouais, pour, tant que pour ça. Pour être poli, oui. Mais il y a un beau nom de famille, par contre. Ah, Plante. Faut lui donner ça. Ça rentre. Donc, on se souvient qu'au tout premier débat, avant même que la campagne soit officiellement lancée, que les candidats étaient officialisés, il y a eu un débat à Lévis, au congrès des jeunes adéquistes. Et puis, les 4 candidats étaient là. Plante aussi. Je pensais que tu étais pour dire les 4 membres des jeunes adéquistes. Ouais, je pense à peu près 75. Okay. Ça ressemble à ça. Donc, le premier débat, on s'attendait à ce que ça soit vraiment un nouveau débat, un nouveau dialogue, puisque Mario Dumont, depuis 15 ans à la tête du parti, n'était plus là. Eh bien, non. Le thème, l'éducation. On a pas du tout à parler d'éducation. On a entendu parler Éric Kerr plus fort que les autres pour rabaisser Christian Lévesque. Et pourtant, Christian Lévesque était très loin dans les sondages, dans les favoris. Gilles Taillon, qui avait les bras croisés, disait plus un mot. Jean-François Plante qui essayait de se débrouiller là-dedans. Éric Kerr qui gueulait par-dessus. On se demandait où est-ce que ça allait. Et puis le lendemain, Taillon dit, là, gars, on n'est pas pour faire une série de débats où ce qu'on se bâche un par-dessus l'autre. Il a dit Taillon. Taillon, ouais, ok. Continue. Ouais. et puis là, le discours s'est radouci un peu. On a dit, c'est vrai, ça prend un débat d'idées, non pas un débat de boxeurs. Et puis, première chose qu'on apprend dès le lendemain, Jean-François Plante, 4e candidat, éliminé de la course parce qu'il a contrevenu à des lois, comme on disait en ouverture. Pour être candidat à l'ADQ, être candidat à la chefferie à l'ADQ, il fallait ramasser 1000 signatures de membres. Jusque-là, ça va. L'ADQ a à peu près 12 000 membres. Donc, ça va bien. Mais ça en prend au moins 60 par région administrative du Québec. Oh! Plus gros défi, ça. C'est un plus gros défi parce qu'on connaît les bastions ADQistes. C'est la base Québec. Montréal, il y en a des ADQistes, mais faut les trouver. Ouais. Faut fouiller. Faut appeler tout le monde du bottin téléphonique pour les trouver. Donc, c'était plus difficile. Mais il y aurait réussi. Et puis aussi, il fallait avoir un dépôt de 15 à 20 000 $ le chiffre exact, je ne me souviens pas, pour montrer le sérieux de la chose. On peut pas... Mathieu ne pourrait pas se présenter. S'il y a 15 000 $ oui, il pourrait, mais... C'est un en c'est politique, fou, c'est... Donc, disons il ne peut pas se présenter. Voilà, voilà. Amiral vient de s'écrouler. Voilà. Tellement. Il va voir d'autres parties, c'est moins cher. Ouais. Donc, c'était une mesure vraiment pour tenter de restreindre le nombre de candidats, parce qu'on se souvient, en 2005, au Parti québécois, il y avait eu 9 candidats qui s'étaient présentés. C'était l'enfer. Il y avait 2 favoris là-dedans, et encore là, il y avait Boisclair et Marois. Et puis, bon, 9 candidats, c'était... Fait que la DQ a dit non, on resserre ça. Et Jean-François Plante exclut. Donc, il a tenté de poursuivre en justice l'ADQ, comme quoi les apparatchiks, ceux qui contrôlent l'ADQ de haut, là, auraient voulu le baïonner. Et puis là, on entend... Ils sont forts sur ce mot-là de ces temps-ci. Hein? Oui, le baillon revient. Donc, on n'a pas pu prouver rien, Jean-François Plante. On n'entend même plus parler dans les journaux. Même son site Internet est muet, son groupe Facebook, sur Twitter, on n'entend plus parler du tout. Donc... Mais c'est une drôle d'approche aussi de vouloir poursuivre l'organisme dans lequel tu veux t'intégrer. Ouais, lui, il voulait façon, tellement transformer l'ADQ qu'arrivé au pouvoir, il aurait sacré tout le monde dehors. On recommence à zéro. Peut-être bien que c'est là que les ADQ sont dit non. Ça fait peur un peu. Ouais. Ça fait peur un peu. Ensuite, autre débat, le fameux diplôme falsifié d'Éric Kerr, le favori. Gilles Taillon qui disait après le premier débat, on va jouer ça quand même honnêtement, on va faire un bon débat de société. Ben non, il sort l'affaire comme quoi Éric Kerr n'a pas de diplôme en communication, il n'est pas bachelier en communication de l'Université de Laval. Sur le site de l'Assemblée nationale, c'est marqué bac en com, entre parenthèses, 1993- fermer la parenthèse. Donc, n'a pas été terminé. Donc, il a commencé à 93, mais n'a pas été terminé. Sur son site, à lui, de candidat, Éric Kerr, c'est marqué seulement « Bac en communication, 1993 ». Pas de tiret. Donc, on s'entend qu'il a obtenu son bac en 93. Donc là, juste pour... Faute de frappe, peut-être. Oui, pas, ça a été... C'était ça son plaidoyer. Dit, ça a été dit que la secrétaire a fait une faute de frappe parce que la version anglaise avait le tiret. Donc, c'est une erreur typographique. Hey, on sépare les tirets en quatre, hein? Voilà, donc, au lieu de faire un débat, on fait un débat de tirets. Oui, la ponctuation est très importante à la DQ. Donc là, Kerr, oui, au moins la langue française est importante, c'est déjà ça, j'avoue. Bien. Voilà. Donc, Kerr qui a été complètement déstabilisé par cette attaque en règle de son adversaire Taillon, mais tout le monde a été surpris que ce soit Taillon qui sorte ça. Ça avait été Jean-François Plante, on aurait dit, bon, c'est bouffon encore. Mais Gilles Taillon, un économiste de renom, est réputé à travers le Québec pour ses connaissances, pour ses capacités et surtout sa bonne gestion politique, il sort ça. C'est lui, en plus, qui voulait avoir un niveau de débat relevé. Voilà, c'est ce qui surprenait tout le monde. Un niveau ou un écart. Voilà. Ensuite, dans une conférence de presse où Éric Kerr essaie de se défendre de ce fameux tiret oublié-là, les journalistes reçoivent en même temps sur leur BlackBerry un communiqué de presse de l'ADQ de l'équipe Taillon disant que Kerr, en plus de ne pas avoir son diplôme, n'a jamais réussi un seul cours à l'université. Donc, ça, c'est un petit peu plus dramatique. Là, donné, c'est... Mais bon. Il y a deux questions là-dessus. Là, pourquoi Taillon fait ça, franchement? Là, il est déjà à terre, Kerr, pour une question aussi, pour une ineptie de ce genre-là. Mais l'autre question, c'est, on veut se doter d'un chef, un premier ministrable, sans diplôme universitaire. Est-ce que le Québec a les moyens de se payer un chef d'État ignore? C'est une question que la société a le droit de se poser. Oui. En même temps, on a déjà un chef de l'opposition unilingue. Donc, et un sénateur qui ne sait pas écrire. Non. Voilà, on est une société très inclusive. Donc, pour ça, moi, ça ne me dérange pas d'avoir un chef ignare, en autant qu'il soit compétent dans son domaine, soit la politique, la gestion de partis politiques, d'un gouvernement. Donc, voilà. Ensuite, Taillon, toujours Gilles Taillon, dans la même période, annonce qu'il pourrait se retirer de la course parce qu'il a son médecin lui a détecté de nouvelles cellules cancérigènes à sa prostate. Donc, il a déjà été opéré en 2005. Heureusement, le cancer de la prostate, c'est le cancer qui se règle le mieux au Québec par les traitements. Là, son médecin dit « ralentis tes ardeurs », que là, Taillon fait planer le doute pendant 48 heures s'il poursuit ou pas. Donc, pendant ce temps-là, Éric Kerr jouissait. Il disait la voie m'est ouverte pour un couronnement solo. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà. Mais non, Gilles Taillon dit je vais arrêter de faire la tournée du Québec. Je vais me concentrer sur les 3 débats qui me restent, ou sur les 2 débats, je ne me souviens plus trop. Et puis, c'est tout. Mon nom demeure sur la liste. Je demeure un candidat poteau, rien de moins. C'est Éric Kerr qui emploie cette expression-là. Un candidat poteau, on le place là pour avoir un nom sur la liste, sans savoir c'est qui ce gars-là. Avoir un pied en place. Voilà. Donc là, la chicane s'envenime encore. Care accuse Taillon de profiter de sa maladie pour attirer un courant de sympathie. Un peu. Donc là, les couteaux volent de plus en plus bas. L'ADQ, pendant ce temps-là, sombre. On voit les sondages où ce que l'ADQ tombe vraiment à égalité avec Québec solidaire. Oui, il y a même pas... eu une élection partielle en fin de semaine. Je vais y revenir tantôt justement là-dessus avec les chiffres. Donc là, Taillon, voyant ça, avec Kerr, dit non, il faut enterrer l'âge de guerre. Là. Donc il y a une petite rencontre qui n'a pas été très médiatisée. Une petite rencontre entre les trois candidats restants, Lévesque, Kerr et Taillon, pour dire on arrête tout bitchage entre nous, on fait un débat d'idées. Mais c'est ce soir qu'on va savoir s'il y a vraiment un débat d'idées, parce qu'il y a un autre débat ce soir à Bécancourt qui va porter sur la famille. Donc, on verra si les couteaux voleront aussi bas ou s'il y aura des couteaux cachés pour planter dans le dos de l'autre pendant qu'il s'adressera à la foule, disons. Pour revenir à l'élection de Rousseau qui a eu lieu lundi, on a regardé les chiffres et le taux de participation était très, très faible, 30%. Dernière élection provinciale, c'était 50%. Dans une partielle, c'est normal, c'est toujours plus bas parce qu'il n'y a aucun enjeu, aucun intérêt flagrant. Donc 30%, c'est quand même médiocre comme résultat. Mais là où c'est intéressant, c'est de regarder la répartition des votes. Donc tout le monde sait que c'est le PQ qui l'a remporté avec Nicolas Marceau, un nouveau venu. 57% du vote. En 2008, à la même place où c'était François Legault qui était pour le PQ, 57%. Donc, les péquistes représentent 57% des votants dans Rousseau. Ça n'a pas changé. Le Parti libéral a obtenu cette année 31%. Donc, c'est quand même notable, le tiers des votes. 22% en 2008. Donc, une augmentation de 9% des votes. L'ADQ a obtenu en 2008 16%. Cette année, 5%. Donc, une baisse de 11 points. Donc, le vote ADQ, où il est allé? Soit il s'est abstenu, avec 30% de participation, ou a glissé vers le Parti libéral, vers un autre parti de droite idéologique, économique. Québec solidaire, 4%. Parti vert du Québec, 3%. Donc, eux autres, on s'attendait à ça, c'était prévisible. Mais là où je dis que les chicanes internes et l'ADQ sans Mario Dumont créent la déchéance de l'ADQ, c'est qu'en 2007, aux élections où François Legault a remporté et où la vague ADQiste a balayé le Québec, l'ADQ avait passé proche de renverser François Legault. Legault avait obtenu 42% et l'ADQ 38%. Donc, en même pas 2 ans, ils sont passés de 38% à 5%. Et c'était le même candidat, Jean-Pierre Parot, qui s'était présenté. Donc, c'est pas un nouveau candidat, un inconnu. Non, non, il était déjà connu. Ça fait des années que Perrault se présente dans Rousseau. C'est une forteresse péquiste depuis les 10 dernières années. Mais avant, c'était libéral. Faut pas oublier ça. C'est toujours... Rousseau, c'est une alternance libérale, péquiste, 10 ans. OK. Donc, c'est pas une forteresse blindée contre les libéraux. C'est une circonscription prenable par l'ADQ. Qui sait pas ce qu'il veut, un peu. Voilà. Si je peux. Elle alterne selon le vent. Le vent. C'est ça. Quand le vent souffle à gauche, on vote à gauche. Quand souffle... C'est bizarre un peu ça, non? C'est purement québécois, ça, je veux dire, Mathieu. Il y a pas, à part Bilderfee et Westmont, que ça vote à 99,9% pour le Parti libéral. C'est comme des élections en Russie ou en Irak. Ouais. Mais tu sais, 10 ans, c'est pas un changement de génération, ça. Là, non, même pas. Même que pas. Ça a comme pas de sens mandats, comme chiffre. C'est deux mandats de députés, c'est tout. Ben, c'est qu'ils choisissent quelqu'un qui fait pas l'affaire selon les autres, puis ils changent. Puis là, finalement, ça fait pas mon affaire non plus, je vais retourner à l'autre. Ah, finalement, ça fait pas mon affaire, je vais retourner à l'autre. C'est ça, exactement. Ouais. On change d'employé. Bon. Donc, c'est vraiment cette fois-ci, à l'élection partielle de Rousseau, qu'on a vu que l'ADQ, c'est vraiment la débâcle totale. C'est une claque, ça gueule, faut le dire, à tous ceux qui se réclament ADQistes, qui veulent rebâtir le pays, rebâtir le parti, pardon. Donc, ça tombe mal, ça tombe en plein pendant la course à la chefferie. Voilà, il devrait avoir une espèce d'engouement autour de l'ADQ. On devrait en parler un peu, mais là, ça éteint un peu le... Parce qu'en théorie, une course à la chefferie apporte deux choses. La publicité gratuite. Donc, on parle de l'ADQ, on parle de son programme. Donc, on fait avancer les idées, on crée un débat. Ce qui n'est pas capable de faire, ce parti-là. Et l'autre affaire, c'est de faire signer des cartes de membres, attirer des nouveaux membres à l'ADQ. En 2005, à la course la chefferie du Parti québécois, 60 000 nouveaux membres avaient signé leur carte. Donc, c'était le PQ à environ 120 000. Donc, c'est la moitié de plus qui signe des cartes. Donc, il est à peu près 200 000 membres après la course. L'ADQ, présentement, 12 000 membres. Ils ont réussi jusqu'à maintenant à faire signer 1 200 membres de plus seulement. c'est assez. Tout le monde dit, c'est 12%. C'est 10% de notre membership qui a augmenté. Non, 10% de 10 000 ou 10% de 50 000, c'est pas le même 10%, là, on s'entend là-dessus. Donc, ils ont réussi seulement à faire signer plus de 1000 membres. Fait que 1000 personnes à travers le Québec, c'est ça l'engouement que ça a créé. Ça. Sur 3 millions d'électeurs, il y a seulement 1000 personnes de plus qui ont adhéré. Est-ce que c'est des renouvellements de cartes? Peut-être. Est-ce que ce sont vraiment des nouveaux membres? On le sait pas, le directeur des élections ne le dit pas. Donc, ça va mal sur tous les plans de vue pour l'ADQ. Et ils espèrent grandement que le 18 octobre va arriver à grands pas. Donc, le 18 octobre, c'est la date où ils vont choisir. C'est l'élection. Et encore là, l'ADQ ne fait jamais rien comme tout le monde. C'est une élection par vote téléphonique. Donc, tu es membre, tu appelles, ça te coûte 1$. Pour vrai, comme à Love Story. Parce qu'on fait le lien, Mario Dumont est rendu animateur à V. Et là, ils empruntent un concept de Love Story appelé à 1$. Donc, est-ce que V et l'ADQ devraient fusionner ensemble pour. C'est une question que j'envoie de même. La valécu. Mais ça, en même temps, là, que ça coûte 1$ pour voter, ça, penses-tu que ça peut influencer le vote? Ça peut. Des personnes peuvent dire que je n'appellerai pas pour une pièce. Là, un vote, on achète un vote, dans le fond. Ça pourrait être soit les gens les plus fortunés qui vont voter, ou sinon les fans de télé-réalité qui vont triper. Il faudrait que je fasse comme à Call TV. Faudrait. À V, c'est que tu pouvais appeler, puis là, tu réponds une question, puis ils te donnent un petit prix. Donc on choisit pas le chef tant qu'on n'a pas 5000 personnes qui ont appelé. Donc, on vous dit rien d'ici là. Ça serait bon, ça, un Call TV avec Evelyne, là, qui dit « OK, quel candidat mérite d'être le chef? » Ici, on a Eric, on a Christian et on a Gilles. J'attends vos appels. Ou comme à V, c'était... Il fallait que tu trouves un prénom, puis là c'était Ishmael, quelque chose de genre, mais pourtant c'était évident à trouver, tu sais. Exactement. Donc, on va se mettre le concept aux frères Remstar et puis les frères Rémillard de Remstar, oui. Bon, le vote va se passer dans la nuit. Donc, merci François Landry. Ça me fait plaisir. J'ai pensé à un petit lien musical pour toi aujourd'hui. Oui. T'aimes ça les liens, toi? Ben toujours. Quand même. Mario Dumont anime AV. Oui. OK. AV, il y a une émission qui s'appelle Bienvenue aux Dames avec Peter McLeod. Ça se peut. OK. Ouais, c'est une sitcom. Okay. Et puis là-dedans, il y a Bruno Marsil qui joue un de ses amis avec un molette. C'est okay. Monsieur Vidéotron, ça. C'est ça, c'est Monsieur Vidéotron. Oui. C'est Monsieur Plaisir Gastronomique. Oui. Et il joue dans Roxy aussi. Tout ça, c'est à V. Donc, si vous écoutez V, vous avez comme 4 chances de voir quelque part Bruno Marsil. Il travaille pour Vidéotron, mais il est employé de. De Québécois. Ouais, c'est ça, tu sais. Ou en tout cas, il est contractuaire de Québécois. Puis en plus, il travaille à V. Compétition. Puis vous voulez me faire croire que la convergence des médias, ça existe? No way. No way. Mais Bruno Marsil fait aussi de la chanson et moi, j'aime bien ce qu'il fait. Donc, on va entendre sa pièce, leur pièce avec son groupe, quelque chose du genre. Je pense qu'il travaille avec du monde quand même. Hein? Ben oui, mais c'est un album quand même solo. C'est à son nom, je pense. À son nom. Voici Tout le monde parle. C'est à Assemblage requis. 89 FM. Et V est sur le 5 sur votre télé. TVV. Allez voir ça. C'est un band de boogie à Montréal, années 70. Un groupe écœur. Dire qu'il n'y a plus un maudit enregistrement. Vous les auriez vus, vous les auriez juste entendus. Je vous jure que ces gars-là, ils ont inventé Travolta. 35 ans plus tard, en voulais-tu pas un qui revient? L'air d'un big shot, clairement crétin. Il écrit des tunes imbéciles pour une chanteuse à gros seins. Inspiration zéro, mais à cette heure, il passe à la radio. Fait que c'est maintenant que tout le monde parle. Là, ça vaut le coup de se déplacer. Jour gratuit pour tout le monde. Si ça se trouve, on va passer à TV. Elle flippait des burgers. Elle sentait la friture pis les oignons. Ça c'est normal, c'est ça la vie. Jamais personne pour dire merci. C'est graissé le corps pendant 15 ans. 138 000 réchauds de café. Un jour de pluie a sacré le camp. Elle est partie, la caisse aussi. Quand elle décide que c'est assez, quand elle décide que c'est son tour, là toute une armée de vautours qui part en peur pour la poignée. Fait que c'est maintenant que tout le monde parle. Là, ça vaut le coup de se déplacer. Show gratuit pour tout le monde. Si ça se trouve, on va passer à télé. Le soir que ça s'est passé, faisait chaud. C'était la fin de l'été. Il y avait la police, les journalistes, puis la TV. D'où c'est qu'il venait? Est-ce qu'on le voyait souvent? Des questions pour faire peur aux enfants. Il y avait les Robidoux, les Ménards, la blonde de Gaétan. Il y avait un grand cordon jaune, puis tout le monde qui regardait vers son appartement. C'est clair qu'il était pas bien, c'est sûr qu'il était rendu trop loin. Juste à le regarder, on avait le goût de brailler. Gros comme un pou, blanc comme un drap. La vie avait avalé le pauvre gars. Fait que c'est maintenant que tout le monde parle. Là, ça vaut le coup de se déplacer. Show gratuit pour tout le monde. Ça se trouve, on va penser à télé. Maintenant que tout le monde parle, là ça vaut le coup de se déplacer. Show gratuit pour tout le monde. Si ça se trouve, on va penser à télé. Bruno Marsil et tout le monde parle de l'album Pas dormir. Vous êtes Assemblage Requis, restez là parce que plus tard, on a la chronique de sortie culturelle alternative avec Sébastien Dulude. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. C'est les hauteurs. La face. 80. Jusqu'à 17h. Assemblage Requis. Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Qui aurait cru qu'un oiseau et qu'un chat s'aiment, qu'un chat bleu se tortille sous mon bec, se love sous mon aile. C'était beau à voir, c'est bel et bien arrivé. Ne pleure pas, petit chat, je reviendrai te picorer. Quand je pense à toutes les larmes que j'ai fait couler à mon chat chaud, à quel point j'ai dissimulé mes plaies. Quel drame, chat chaud. J'ai juste envie de construire une machine à remonter dans le temps, comme celle dont on rêvait quand on était enfant. Dans un jeu de roulette russe, caché dans mon plumage chatoyant, il y avait des puces. Mon âme était prisonnière de marécages glauques et froids, des endroits dégoûtants que ne fréquentent pas les chachots comme toi. Quand je rêve à tes ronrons, ta toison bleue, c'est sûr que j'ai mal. Je voudrais qu'encore tu m'aimes, je voudrais plein de choses et c'est normal. Mais tout ce que je te souhaite, chachot, c'est de trouver une couverture de laine pour que tu t'y enroules sans regret et sans haine. Chachot, je suis parti vers le sud. Chachot, je migre vers les plages. Chachot, reviendrai te réveiller comme je sais si bien le faire. Mais me feras-tu le droit? Seras-tu toujours là pour moi? Car sache que je ne peux donner ma langue qu'à toi. Qui aurait cru qu'un oiseau et qu'un chat s'aiment? Que chat bleu se tortille sous mon bec, se love sous mon aile. Et pourtant c'était beau à voir, c'est bel et bien arrivé. Pitié petit chat chaud, laisse ton oiseau revenir te picorer. Pitié petit chat chaud, laisse ton oiseau revenir te picorer. Pitié petit chat chaud, laisse ton oiseau revenir te picorer. Ton oiseau venir te picorer. Pitié petit chachot, laisse ton oiseau revenir te picorer. Te picorer, pitié petit chachot, laisse ton oiseau revenir te picorer. Te picorer, pitié petit chachot, laisse ton oiseau revenir te picorer. Te picorer, pitié petit chachot, laisse ton oiseau revenir te picorer. J'adore cet album-là, moi, au complet, de Paul Amarani, Les Nouveaux Mariés. Ça fait longtemps, par contre. Je connais pas l'album au complet, mais cette pièce-là, en tout cas, est très bonne. Mmh. L'album est Portrait vivant, c'est la pièce La Migration. On avait aussi eu la déclaration sur le palmarès ici, assez fou. Ça fait son temps. Là, c'est comme mort un peu, puis des fois, on le fait jouer, tu sais. Mmh. Parce qu'on est fin, puis qu'on aime ça. Bon. Vous êtes à Assemblage Requis jusqu'à 17h. C'est l'émission du retour en pièces détachées. Maintenant, c'est le moment d'accueillir, avec ses sorties culturelles alternatives, dans sa chronique Va voir ailleurs si j'y suis. Moi, elle est R. Hein. C'est Sébastien Dulude. Salut! Ça va bien? Oui. Et toi? Oui, ça va bien. Ça va bien. C'est l'automne. C'est ma saison. Oui. La pluie, toujours la fin. Ouais, ben ça, c'est la nature. Il n'y a pas juste ça non plus, l'automne. Il y a de la pluie un peu, mais le reste, quand il n'y a pas de pluie, là, c'est très bien l'automne. Il y a l'odeur du feu de poêle. Ça, c'est magique l'automne. Et le solstice. Que toujours. Dire du solstice? Que dire? OK! Mais non, on a eu des grosses chroniques dans les dernières semaines, rentrée culturelle. Puis là, on est un petit peu dans l'œil de la tornade. Là. C'est plus tranquille. Là. J'ai regardé du côté de Québec. Je voulais parler de Québec, des trucs intéressants. On ne sent pas un grand mouvement de rentrée à Québec tant que ça. Il y a des choses, mais c'est assez ponctuel, passé pour nécessairement bâtir une chronique autour d'un sujet ou quelque chose. À Montréal, il y a des choses aussi, mais on est beaucoup dans le courant de la rentrée. Il y a des choses déjà amorcées, rien qui part réellement cette semaine. Donc, j'ai eu un peu plus de difficulté d'aller chercher des sujets intéressants, mais j'avais réservé quelque chose pour la semaine prochaine, puis là, j'ai comme réalisé, c'est, je le dirais la semaine prochaine, ce serait peut-être trop tard, parce que quand il y a question de spectacle, des fois, faut acheter savoir les billets. À l'avance, ben oui. Surtout lorsque l'occasion est rarissime. Il y en a une occasion rarissime, c'est celle de voir Diamanda Galas à Montréal. Diamanda Galas est une immense chanteuse de la scène d'avant-garde. C'est une pianiste classique au départ, chanteuse classique aussi. Elle a un registre de voix absolument époustouflant, quelque chose comme 4 octaves de voix. Elle adore pousser des hurlements dans tout ça, mais elle maîtrise sa voix comme personne, un trémolo de l'enfer. Imaginez vraiment une Diane Dufresne, mais qui ferait des trucs lourds, extrêmement lourds, difficiles, avec un passé difficile et une propension à prendre la voix des victimes de toutes sortes de conflits. Elle a beaucoup parlé pour les victimes du sida, les abus de guerre notamment. Elle a une origine grecque, donc elle, dans ces coins de l'Europe-là, les Balkans, tout ça, beaucoup de conflits, l'Arménie notamment, où elle était s'est positionné de façon assez radicale du côté des victimes de certains conflits pour faire ressortir l'horreur, la torture, des trucs vraiment jojo dans la vie de tous les jours. Et c'est une expérience que de l'avoir elle aussi. C'est une dame d'à peu près 6 pieds 1, maquillée comme on pourrait dire une drag queen, c'est malheureux à dire pour une femme, mais à outrance, disons, de brillant, tout ça. Les ongles, pas possible pour une pianiste, les robes, et puis l'air d'avoir dormi à peu près 3 heures dans les dernières 8 années. En effet, c'est pas très gentil à dire, mais quand même. Mais ça fait partie du personnage. C'est quelqu'un qui est authentique. Qui est, ben en fait, c'est authentique, oui, dans la mesure où il y a rien de faux dans tout ça, mais en même temps, c'est assumé comme un personnage de théâtre, un personnage présenté comme ça. Amanda Gallas, elle arrive au piano et elle se tait. Et on regarde ça, on frémit. Il y a des vidéos à voir. Il y a presque tous ses albums depuis quelques années sont des lives. Elle chante des vieilles versions de blues. Son dernier album porte sur des chansons de blues ou de jazz qui célèbrent l'amour et l'homicide. Deux choses qui vont très bien ensemble. Oui. Mm-hmm. Donc, on n'est pas dans le joyeux, mais c'est une occasion, il faut le mentionner. Des gens qui savent qui est Amanda Gallas, d'autres qui pourraient être intéressés, il faudrait se précipiter pour obtenir des billets parce qu'elle va être en spectacle le samedi 3 octobre. Donc, c'est quand même dans pas si loin que ça. Mm-hmm. Et c'est rare, donc, que les billets vont partir vite. Mais là, c'est ce que je constatais. Ça fait partie du cadre du Pop Montréal. Et ils ont une espèce de formule sur le site Internet où on peut voir qui sera là. On peut être membre de Pop Montréal et exprimer un peu comme un Facebook où on dirait, je vais être présent à telle activité ou à tel événement. Mais sur Facebook, on divise par deux ou par trois pour voir la réalité de l'événement. S'il y a 200 invités confirmés, OK, on est vraiment content avec 40 ou 50. Puis peut-être des noms, tu sais. Oui, mais Diamant de Galas, oubliez ça, là. C'est écrit qu'il y en a 20-25, mais il faut faire x6, x7, ça, c'est certain. Ouf. Donc, il faut aller sur le site de Pop Montréal ou de Ticket Pro pour aller chercher ça. C'est le 3 octobre. C'est au Théâtre d'Outremont, qui est un magnifique endroit. C'est un récital. Elle est assise au piano et elle chante. Elle hurle, elle chante. Elle fait des espèces de grognements aussi. Elle joue du piano comme pas une non plus. C'est vraiment une virtuose du piano. Piano à queue, généralement. Puis des fois, il y a un léger traitement dans sa voix, des échos, tout ça. Ça, c'est à la régie derrière. Ils organisent pour lui donner toute une ambiance sonore. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est vraiment, vraiment intéressant dans ce rare passage-là de Amanda Gallas à Montréal, qui est à ma connaissance son premier ou sinon ça fait extrêmement longtemps, puisqu'elle vient à New York mais sort pas beaucoup ou sinon pour des occasions très spéciales ou alors une tournée en Europe pour quelque chose de bien organisé, tout ça. C'est pas quelqu'un qui fait beaucoup nécessairement de démarches là, pour faire des shows. Donc, on l'invite. Si c'est à Montréal, c'est parce qu'il y a quelque chose de spécial, j'imagine. Oui, bien, déjà, l'invitation de Pop Montréal, mais je pense que ce qui a peut-être été le déclencheur, c'est l'autre option aussi de l'avoir en conférence. Deux jours avant, le 1er octobre, un jeudi, en fin de journée, c'est à 16h à l'Université Concordia. Elle va faire une conférence sur le lien entre les victimes de fléaux humains et elle considère le sida comme le premier fléau humain. Il faut dire que son frère est décédé du sida. Elle a donné un album dans l'année suivante, le décès de son frère, qui avait été probablement l'album qui a consacré Amanda Gallas comme étant à la fois une grande artiste à la voix, au piano et tout ça, et à la fois son univers, personne ne peut arriver à l'intensité à laquelle elle arrive dans ce domaine-là. Donc, elle a vraiment réuni cet univers-là de souffrance et de musique avec son album Plague Mass, donc la masse des fléaux. Non, en fait, la masse du plague, c'est la maladie, la peste. Donc, voilà, elle considère ces fléaux humains-là, des maladies comme étant non pas des punitions humaines, mais des fléaux qui reviennent de droit à l'humain et qui est aussi organisé dans tout un système d'autorité, de pouvoir où il y en a qui l'attrapent la maladie et d'autres non. Donc ça, c'est une façon très foucaldienne, faudrait dire, inspirée des théories de Michel Foucault sur le pouvoir où des gens détiennent le pouvoir et donc forcément ça crée des victimes. Et sans m'avancer plus là-dedans, ce qui va être intéressant, donc, c'est de voir Madame Gallas tout près de nous dans un auditorium à l'Université de Concordia nous parler de sida, bien entendu, de victimes, mais pas du tout un discours moralisateur ou de prévention du sida, contraception, etc., mais bien pour en faire un enjeu culturel, un peu de la façon dont je vous le parle, victime et dominant, dominant-dominé, et donc tous les enjeux de culture liés au sida, mais également aux guerres, aux victimes de toutes sortes d'exactions humaines. Ça, c'est le jeudi 1er octobre à l'Université Concordia. Via le site Pop Montréal, c'est assez bien fait pour le lien, pour les billets. Pop Montréal, c'est une belle structure. On peut vraiment interagir là-dessus. On peut devenir membre. Il y a toutes sortes de forfaits. À chaque jour, il apparaît une offre spéciale pour combiner comme trois spectacles ensemble. C'est vraiment... Ils ont une belle attitude. Et puis, ça a l'air... Au début, c'est Pop Montréal. On n'est pas super confortable avec ça. C'est très anglophone. Les lieux, disons, sont non conventionnels. Beaucoup de groupes qu'on connaît pas qui viennent du Québec, mais qui sont complètement, vraiment, du Montréal anglophone. Et là, cette année, l'interface est en français. Si on tape popmontréal.com ou CA, je me souviens plus, ça tombe sur une page en français. Mais évidemment, il y a beaucoup plus d'informations lorsqu'on va vers les pages en anglais. Mais ça reste un festival fameux. Vraiment, cette année, c'est très inspirant. Et ce passage de Amanda Gallas est à ne pas manquer. Et pour en entendre un extrait cette semaine, je me suis dit, impossible que je trouve quelque chose là, Oh non, on oublie ça. C'est pas l'heure, c'est pas le moment. C'est, tu sais, il y a un contexte pour ça. J'en fais jouer à mon émission des fois, ou plutôt en fin d'émission, puis ça prend une pièce juste avant, puis il faut s'amener là-dedans. Donc, j'ai trouvé quelque chose de super intéressant sur son site, diamandagalas.com. Un mash-up par DJ Virtual qui a combiné. Lui, il fait un mash-up toujours de deux pièces seulement. Il mélange ça vraiment ensemble. Il y a du bon stock en plus, DJ Virtual. Ça se trouve facilement sur le net. Et donc, il a combiné la version chantée de Diamandagalas, I Put a Spell on You, avec une pièce que je ne connais pas du tout en électro, qui avait le mot Ideals, idéal, dans le thème, dans le titre. Il a combiné ça, donc I Put a Spell on Your Ideals, DJ Virtual et Diamandagalas. On écoute ça à Assemblage Requis. Restez là parce qu'il y a d'autres sorties culturelles alternatives avec Sébastien Dulu juste après. Pas mal, hein? Ça, c'est toute une voix, mais là, c'est tout dans un environnement. Là, on peut presque pas s'en rendre compte parce que c'est pas la première qui crie, mais mettez-la toute seule à un piano pendant une heure et demie de temps, c'est quelque chose. Mais c'est pas que du cri, hein? C'est pas que du cri. Non, mais en tout cas, moi, je trouve ça impressionnant, là, le son. Mais c'est sûr, c'est dur aussi de s'imaginer sans l'électro puis avec juste du piano. Mm. Mais en tout cas, juste la façon qu'elle chante, là, c'est fascinant. C'est pour ça que quand je suis tombé sur ce remix-là, sur ce mash-up-là, j'étais vraiment perplexe. Parce que j'aime encore ça, parce que c'est peut-être une des pièces que j'aime le plus de Diamanda Galas, c'est quand elle fait son « I put a spell on you », la même pièce que CCR avait chantée, la pièce de Screaming Jay Hawkins dans les années 60. C'est une pièce immense. Là, quand elle dit qu'elle met un mauvais sort sur toi, là, tu, je veux dire, tu frémis. Tu prends ça au sérieux. Tu dis « Oh non mm-hmm. ». Mais ça se passe bien, c'est quand même talentueux, le DJ Virtual. Oui. Donc, c'était pour souligner le passage de Diamanda Galas à Montréal le 3 octobre. On est toujours dans la chronique de sortie alternative avec Sébastien Duluth. Ça s'appelle « Va voir ailleurs si j'y suis ». Maintenant, on parle de Erlène Meyer en spectacle au Lion d'Or. Oui, pour ceux qui ont fait Science Physique 436, Erlène Meyer, c'est une fiole en forme de cône. Fiole. Vous avez peut-être renversé ça, fait une sorte de niaiserie là-dedans. Des mauvais souvenirs. Ouais, ah, vraiment. N'est-ce pas? Ben, c'est du nom d'un chimiste du même nom, au 18e ou 19e siècle, il a inventé le Erlène Meyer. Mais c'est aussi le nom d'une fiole poétique, d'un contenu poétique à géométrie variable. C'est l'instigation de Dekim, D.K.I.M.M. C'est une poète, c'est aussi une organisatrice culturelle et une femme qui fait dans la poésie-performance ou dans la performance pure et simple aussi. Et elle a amorcé dans son festival, qui est le Festival Voix d'Amérique, qui revient à chaque année depuis 7-8 ans maintenant, depuis 2001. Et puis, elle a amorcé différents projets. Et Erlène Meyer est peut-être celui le plus porteur présentement pour Dekim. C'est une formule où elle confronte des musiciens avec des poètes. Et elle veut casser complètement la formule traditionnelle d'une soirée de poésie où les musiciens accompagnent les poètes et les poètes font leur texte. Et on écoute ça. Donc là, elle force vraiment les poètes à sortir de tout ça, aller dans le scénique, aller dans les gestes de performance. Et les musiciens aussi qui travaillent dans cette façon-là. Et à chaque fois, c'est un peu une nouveauté. Donc, présentement, elle fait le spectacle avec les poètes Danny Plourde, que j'aime beaucoup, prix Émile Néligan il y a 2 ans, Catherine Lalonde, qui est le prix Émile Néligan de l'année passée, ou cette année, en fait, l'année en cours, ce sont des prix décernés à des poètes de moins de 35 ans. Catherine Lalonde est également connue en danse. Elle signe des textes dans Le Devoir aussi sur la danse. Donc, c'est quelqu'un qui est parfaitement à l'aise avec l'aspect de performance. Dans le cas de Danny Plourde, c'est quelqu'un qui profère ses textes avec beaucoup d'intensité. Et j'ai vu une photo sur le site en voyant Danny avec un masque de chirurgien là, sur la bouche. Donc, on peut imaginer un peu le genre d'enjeu sur la parole, se couvrir la bouche en disant ses textes. Et également, la poète Renée Gagnon, au féminin, que j'aime beaucoup, qui est également très à l'aise dans le côté de la performance, mais plutôt dans le traitement de la voix, le traitement sonore et la performance. Mais elle fait des textes avec une rythmique très particulière. Il y aura également Dekim, qui fait toujours en performance et ses propositions de poèmes, et le rappeur Kiro, plutôt que ça se prononce. Kiro, oui, qui fait partie, entre autres, du collectif Attache Tatuc. Ah, c'est vrai? Mm-hmm. C'est un grand favori de Dekim depuis quelque temps. Je vois son nom circuler, mais je n'ai pas encore vu ce qu'il faisait. Et ça, c'est bien intéressant. Les musiciens Diane Labrosse, Bernard Falaise, guitariste, il a sorti un disque récemment. Il a aussi produit Caniche Harakiri. Il travaille avec Marie-Jo Thériault et des nombreux autres. C'est quelqu'un de vraiment fameux. Bernard Falaise, tu le veux dans ton équipe. Et d'autres musiciens comme ça, Diane Labrosse, je l'ai mentionné, et l'autre aussi, Fradette à la batterie. Et tout ce beau monde-là se rencontre pour un spectacle d'Erlène Meyer ce vendredi 25 septembre au Lion d'Or. J'ai pas parlé de coût de billet, c'était assez cher pour Diamanda Galas, 40$ et moins de 20$ au souvenir. J'ai malheureusement pas de notes cette semaine. Pour Erlène Meyer, c'est un show de poésie, c'est jamais cher. Au Lion d'Or en plus, c'est super cet endroit-là, sur Ontario, coin Papineau. Ça, Erlène Meyer, est-ce que c'est mise en scène ou c'est de l'improvisation? Non, c'est ça. Il y a une mise en scène qui est travaillée à partir de tout le monde en place. Okay. Et là, ça donne ce que ça donne. Mais si les acteurs à l'intérieur, tout ça changeait, ça donnerait autre chose. Donc, mais évidemment qu'elle travaille beaucoup les structures d'improvisation aussi. Elle demande aux musiciens d'être ouverts à ça, à des variations. Elle demande à tout le monde, en fait, d'être en mode possiblement improvisation. Puisque, de toute façon, la performance tient toujours compte du ici et maintenant. Le public, l'endroit, tout ne se répète pas constamment. Donc, c'est des formules très ouvertes, très actuelles de la poésie-performance. Ça me semble extrêmement intéressant. Je vous le suggère fortement pour amateurs de poésie et musique actuelle. Et ça, c'est la date? Ce vendredi 25 septembre au Lion d'Or à Montréal. Parfait. On termine avec les prix littéraires de Radio-Canada. Oui, un petit rappel, encore une chose dont il ne faut pas parler trop tard parce qu'à un moment donné, les dates courent, le temps file. Vous avez jusqu'au 1er novembre pour soumettre vos textes, soit récits, nouvelles ou poésies, au prix littéraire Radio-Canada. Bon, on en parle, c'est vraiment pas pour faire la publicité à une station, en contraction. La publicité. Qui en a vraiment pas besoin. c'est simplement pour mentionner que c'est peut-être le concours littéraire le plus intéressant pour autant les écrivains que les non-écrivains. Une des façons qu'on peut vérifier la crédibilité de ce concours-là, c'est que année après année, dans les deux premières places, il y a souvent un écrivain qui s'y classe. Et là, ça peut avoir l'air étrange de dire ça, mais en quoi un prix littéraire est-il crédible si des écrivains le remportent? C'est parce que la structure fait en sorte qu'on ne sait pas quel texte on lit, tout est anonyme. Et donc, si le jury donne le prix à un écrivain connu, on dévoile, c'est un tel qui gagne le prix, c'est un écrivain connu. C'est signe que le jury sait lire la poésie, sait lire la nouvelle, sait lire du récit et donne donc un prix qui est valable. C'est beaucoup plus juste comme vote. Ben absolument. Au niveau de l'anonymat, c'est essentiel. Donc, on écrit sous forme de pseudonyme. On peut pas avoir le moindre avantage d'une façon ou d'une autre. Et qu'année après année, il y a toujours des écrivains classés dans les deux premières positions, ça montre à quel point le jury est solide, crédible, capable de reconnaître des bons textes. Donc, ça, c'est un concours qui est en parfaite santé parce que les écrivains continuent d'y participer et espèrent le gagner parce qu'on sait très bien que le jury est fort. Mais année après année, ça amène des belles surprises, des écrivains non connus, qui trouvent ensuite de ça leur chemin dans toute l'aventure de la publication. Donc, il y a trois catégories. Le récit, c'est lorsqu'on parle de soi ou d'une description d'un événement qui se produit, récit de voyage, par exemple, ou récit d'enfance. Donc, c'est à la limite du genre romanesque, mais ça implique des faits vécus. La nouvelle, c'est une forme brève en fiction. Et la poésie, bien entendu, j'ai pas besoin de vous expliquer qu'est-ce que c'est. Petit hic, il y a un frais de 20 $ d'administration à envoyer avec votre demande. Et en termes de longueur, on parle de 2000 à 200, 2500 mots pour les formes en prose et en poésie, qui peut également être en prose ou en vers 1000 à 2000 mots. Bon, ça, c'est de la poutine. Vous allez sur radio-canada.ca. / prix littéraire au pluriel, donc prix avec un X, parce que c'est au pluriel, quand littéraire même. Avec un S. D'ici au 1er novembre, qu'il faut le dire. D'ici au 1er novembre pour avoir... L'année passée, il y a des gens de Trois-Rivières qui s'étaient qualifiés, parce que c'est toujours intéressant si la première ronde, on annonce tout ça, on dévoile le nom réel de tous ceux qui ont participé. Donc l'année passée, je sais que Marjolaine Deschaines, par exemple, qui est une écrivaine d'ici, avait été retenue pour la section récit. Donc ça peut être une excellente validation de son propre travail, et en même temps, pour ceux qui sont pas connu, immense honneur. Et le prix est un peu curieux, c'est de se faire publier dans la revue En Route, qui est la revue, le magazine d'Air Canada. D'Air Canada. Genre un magazine que vous lisez en avion, n'est-ce pas? T'sais? Bon, comme ça, le vendredi soir, en rentrant à la maison ou en allant à Key West. mais il y a une bourse également qui est liée à ça. Il y a des prix de 6 000 et 4 000 $ dans chaque catégorie. Donc voilà, je signale prix littéraire Radio-Canada jusqu'à 1er novembre cette année. Radio-Canada.ca/prix littéraire. Voilà, messieurs. Voilà, mesdames. Merci beaucoup. Merci, Sébastien. Et on t'écoute à Etal Mix tous les mardis à partir de 18h. Exactement, après la dernière porte à gauche. Tout à fait. Oh, quelle belle plug. Ouais, merci, Sébastien. Ah, c'est la fin de l'assemblage requis pour cette semaine. Je trouvais ça drôle de la remettre, la petite chanson, j'aime bien. Ben oui, c'est pas bonne. Merci à Sébastien Dulude, merci à François Landry en politique. On le retrouve lundi prochain. Sébastien, ça va être bien sûr le mercredi de la semaine prochaine, le 30. Nous, on se retrouve demain à 15h. Avec Maxime Lemulin-Ramé qui va venir nous parler de musique à télécharger ou à écouter dans sa chronique Télécharge quoi. On va aussi avoir une chronique CNX, bien sûr. Je pense que j'ai peut-être un petit scoop, là, je suis pas sûr, mais il me semble que j'ai cru entendre que Maxime va peut-être nous parler d'un nouvel album de Polyp. Je sais que t'aimes bien Polyp. J'adore Polyp. Restez sur les ondes de Cifou toute la soirée. Il va y avoir du rap à partir de 19h avec Rap 101, puis à 21h, c'est Volte-Face. Nous, on se retrouve demain à partir de 15h pour une autre édition d'Assemblage requis. Il y a le dîner de con à 11h demain et la pilule du lendemain avec Marc et Sylvain. Tout ça dans vos oreilles au 89.1. Et on se laisse en musique avec le qui sont en train de préparer leur nouvel album, sont en train d'enregistrer les dernières pièces. On va avoir des nouvelles bientôt, ils vont commencer à faire des spectacles au mois de novembre. Et nous, on va écouter une pièce de leur ancien album qui s'appelle Peur du chevreuil. Et c'est ce qui va terminer l'émission. À demain! Bye! Bye!